Évidemment, c'est-à-dire que c'est le cash is king. Voilà, l'argent liquide, c'est toujours formidable parce que ça ne laisse pas de traces et le prince l'assume parfaitement. C'est son trésor, c'est au pied de son lit et il puise dedans. Le problème, c'est effectivement dans des sociétés qui se veulent transparentes, ben cet argent, il n'est pas censé exister. Donc, on est obligé de passer par des circuits assez tordus pour alimenter ses caisses, y compris passer par des trafics assez douteux. On sait que la CIA était habitué à ce genre de méthode. Bon, mais c'est tout simplement parce qu'on n'est pas capable d'assumer que ben il y a des zones d'ombre dans le pouvoir. Donc ça conduit parfois à des formes de filouterie un peu douteuses. Merci en tout cas Jean-Baptiste Santamaria d'être venu présenter donc dans cette première émission consacrée à l'histoire du secret, votre Secret des princes qui vient tout juste de sortir chez Champvallon. Le sous-titre est Gouverné par le secret, France, Bourgogne, 13e, 15e siècle. Merci encore. Merci à vous. Soyez discret, ne faites pas comme 01 qu'on a trouvé mort dans son bain. Pour être un agent secret, il vaut mieux rester muet. Ne faites pas comme 02, mort d'une balle entre les deux yeux. Mieux à voix du nez, voyez l'agent 03, c'est le poison qui l'emporta. Pour être un agent secret, au pire il faut s'exposer. Voyez l'agent 04, ils ont bien fini par l'abattre. Secret, des filles, il faut se méfier. 05 ne l'a pas cru, c'est pour ça qu'il fut descendu. 06, vous le savez, lui aussi fut liquidé. Il avait un grand couteau bien planté au milieu du dos. Meilleur agent secret, je crois qu'il fait du ciné. Regardez bien 6 plus 1, oui ça fait 7, vous comptez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il est devenu vedette. Dans les films qui font recette, c'est le seul qui n'est pas mort. C'est vraiment lui le plus fort. Vous écoutez La Fabrique de l'Histoire sur France Culture avec Emmanuel Laurentin. Deuxième partie de notre émission qui ouvre une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée au secret, avec vous toujours, Victor Massé-Lépinet, et avec vous Alexandre Riosbord, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur des Savoirs de l'Ombre, la surveillance militaire des populations aux États-Unis, qui vient tout juste de paraître aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, et qui est une partie de votre thèse que vous avez consacrée justement à la question du secret aux États-Unis, de la naissance d'un espace secret qui était dévolu au président américain, Alexandre, exception de tout autre citoyen, sinon ceux qui l'entouraient directement. Ce livre, Les Savoirs de l'Ombre, est une partie de votre thèse, je l'ai dit, et il s'intéresse à un savoir particulier, le savoir sur les citoyens américains, c'est-à-dire comment, au bout du compte, l'État, les États-Unis, a décidé de surveiller ses propres citoyens. Ça commence à quel moment, selon vous, justement, cette surveillance un peu plus serrée des citoyens américains, Alexandre Hirschborn? Alors les États-Unis, c'est un cas un peu particulier dans les pays occidentaux, justement parce que ça va commencer assez tard en fait. Il n'y a pas d'appareil de surveillance de la population américaine avant la Première Guerre mondiale. Alors ça commence dans le contexte de la Première Guerre mondiale, avec un antécédent quand même qui est l'antécédent colonial. Comme on le sait, les États coloniaux, dans le cas américain comme dans les cas européens, ont été des terrains d'expérimentation, à la fois de contrôle des populations et en l'occurrence de surveillance des populations dans le cadre des luttes contre les guérillas, contre les États coloniaux. Et dans le cas américain, c'est cette expérience qui est un peu le prélude à ces opérations de surveillance de la population qui se transfèrent pendant la Première Guerre mondiale sur le territoire intérieur. Donc cette colonisation, ou en tout cas ces expériences coloniales, ce sont les Philippines à la toute fin du 19e siècle et puis au tout début du 20e, Cuba. Voilà, c'est donc les Philippines au moment de la conquête des Philippines par les États-Unis et puis surtout de la lutte contre l'insurrection d'Aguinaldo et des partisans de la libération des Philippines. Et puis l'expérience cubaine aussi. Donc dans les deux cas, on va commencer à mettre en place dans les forces armées un appareil et des méthodes de surveillance des populations à des fins politiques. Victor Massé-Lépiné. Oui, ça c'est pour la première des bornes chronologiques de votre ouvrage, 1900. Un mot tout de suite sur la fin, 1941, c'est donc l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que ça marque une rupture dans le travail de renseignement de l'armée américaine ? Alors non, il n'y aura pas de rupture, sinon une rupture archivistique pour l'historien, c'est-à-dire que les archives deviennent inaccessibles, hein, sinon en 41, du moins en 45. Alors pas du tout, hein, ce livre, il est justement, il tient pour, il a l'une de ses thèses, c'est de montrer que ce qui s'est mis en place dans cette période de paix de l'entre-deux-guerres va en fait continuer pendant la Seconde Guerre mondiale et puis ensuite après 45. Jusqu'à nos jours, en fait. Alors, période de paix, effectivement, mais en même temps, préparation à la guerre, en particulier la Première Guerre mondiale. Vous expliquez bien, Alexandre Riosbord, dans Les Savoirs de l'ombre, comment cette Première Guerre mondiale est importante, parce que ces savoirs donc de surveillance des populations dans le cadre colonial que vous venez de dire, eh bien, vont commencer à s'appliquer à ceux qui pourraient être, on n'appelait pas ça encore la cinquième colonne, en tout cas, pourraient être des ennemis de l'intérieur, et on s'y prépare avant même l'entrée en guerre des États-Unis en 1917. Oui, la Première Guerre mondiale, c'est le moment aux États-Unis, comme dans d'autres pays comparables en Europe, où va se mettre en place une nouvelle forme de réflexion sur la guerre, que mes Américains à cette époque-là appellent la guerre moderne, et donc qui implique le front intérieur, parce qu'elle implique le front intérieur, donc elle implique l'appareil productif et le comportement des populations, alors il devient un impératif militaire de se préoccuper de ces questions. Donc c'est un peu le moment où on va se rendre compte, dans l'état démocratique ou supposé démocratique, que l'on ne peut pas se passer d'une forme de vigilance politique à l'endroit des citoyens. Vigilance qui a comme motif la défense du pays. Front intérieur, dites-vous, précisons, les implantations militaires, tout ce qui tourne autour des usines de guerre, etc. Eh bien, on se dit, effectivement, il faut protéger cela du regard de ceux qui sont pourtant nos citoyens, nos concitoyens, mais qui pourraient utiliser cela au profit d'une puissance étrangère avec laquelle on pourrait être en guerre. Oui, alors au profit d'une puissance étrangère, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, que ce soit volontaire ou que ce soit non volontaire, ils vont avoir un mot, hein, ils vont utiliser une expression, ils vont dire que c'est des ennemis potentiellement objectifs, potentiellement parce que c'est dans la perspective de la guerre, et des ennemis objectifs parce que quel que soit leur lien avec une supposée puissance étrangère, ils agissent dans son intérêt, objectivement dans son intérêt. Victor Massé-Lépiné. Alors vous nous l'avez dit, Alexandre Riosbord, l'un des objets de votre livre, c'est justement de montrer que ce qui s'est mis en place pendant la Première Guerre mondiale a perduré, jusqu'à nos jours finalement. Mais justement, comment est-ce qu'en sortant de ce contexte de guerre, les services de renseignement, les personnels du renseignement ont pu effectuer cette transition vers une période de paix et donc plus d'ennemis intérieurs à proprement parler ? Alors ça commence par une évolution intellectuelle, ça commence par un raisonnement intellectuel sur la guerre. L'idée étant que la guerre est une potentialité permanente. Bon, c'était déjà le cas avant la guerre, hein, ça fait partie un peu de l'éthos militaire, que de considérer que la guerre est un fait incontournable et donc une éventualité toujours possible. Simplement cette fois-ci, ils vont considérer que l'expérience leur dicte que la réduction des espaces stratégiques, le changement des formes de la guerre, des moyens de la guerre, l'expansion aussi des intérêts américains à l'extérieur empêchera désormais les États-Unis de sortir de l'arène internationale et que donc, c'est la grande leçon de 1917, ils pourront à tout moment être pris dans la guerre, même contre leur volonté. Et donc, parce qu'ils peuvent être pris dans la guerre et parce que cette guerre va impliquer à la fois l'appareil productif et la population dans son ensemble, alors ils vont effectuer cette révolution intellectuelle en quelque sorte qui consiste à dire que au nom de la guerre, on doit se préoccuper de l'attitude de leurs concitoyens, y compris en temps de paix. Alors vous avez en particulier épluché les archives qui étaient toutes ouvertes en l'occurrence, et on peut saluer ce travail effectivement de l'administration américaine d'ouverture des archives de la Military Intelligence Division, donc qui est, vous appelez la MID, donc, et de l'Office of Naval Intelligence, qui tous les deux sont des organismes militaires et qui pourtant vont devenir des outils de surveillance des populations civiles. C'est cela qui est extrêmement étrange et intéressant. Comment des militaires sont-ils chargés non pas de surveiller d'autres militaires ou des puissances étrangères militaires, mais là, en l'occurrence, des civils? Donc la bascule s'effectue pendant la guerre, et puis donc elle se proroge au sortir de la guerre, appuyée sur cette réflexion sur la guerre moderne. Ils déploient pendant les mois de guerre, puis maintiennent dans la période de paix, un appareil administratif continental, en fait, hein, de surveillance de la population, qui va, dans les années 20, dans la seconde partie des années 20, être réduit au minimum, hein, parce que les budgets sont trop faibles, parce que le contexte politique n'est pas favorable, et parce que cette mission est toujours illégitime. Hein. Ils vont passer leur temps à répéter à l'extérieur qu'ils ne se livrent à aucune forme de surveillance sur la population civile. Mais néanmoins, ils vont réussir à s'accrocher à cette mission intérieure, qui leur semble pour eux absolument non seulement légitime, mais même nécessaire. Ils vont s'y accrocher, et dans la période des années 30, à partir du moment où la crise économique frappe, la crise économique pour eux est immédiatement une crise politique. En fait, elle va amener de l'agitation dans ces masses qu'ils considèrent dangereuses. Et donc, ils vont être en position de demander une nouvelle extension de leurs moyens de surveillance intérieure. Victor Massé-Lépiné. Cette question de la légitimité, elle est vraiment au centre de la réflexion et des questions éthiques et philosophiques qui se posent pour le renseignement. Et particulièrement aux États-Unis, vous avez évoqué le basculement sur la scène internationale des États-Unis. Il y avait toute une tradition isolationniste, évidemment, aux États-Unis qui a été mise à mal, enfin, ou abolie par la Première Guerre mondiale. Mais il y a aussi toute cette question de la démocratie et du rapport entre démocratie et renseignement qui se pose avec une acuité particulière aux États-Unis. Les États-Unis, c'est une société éminemment démocratique, qui se pense comme telle, et la démocratie suppose un lien de confiance entre l'État et la société, entre l'État et ses citoyens. Or, si l'État surveille ses citoyens, c'est quelque part qu'il n'a pas confiance dans ses citoyens. Et ça, c'est une question qui est au centre de tout votre ouvrage et de toute cette réflexion sur le renseignement militaire. Eux-mêmes sont traversés par ces tensions, eux-mêmes se posent la question, hein, beaucoup d'entre eux. Alors, il est rare de voir des controverses naître à l'intérieur de ces services, encore moins laisser des traces sur le papier, mais on voit bien à plusieurs reprises que ces individus qui pourtant opèrent cette surveillance politique, eux-mêmes sont traversés par ces tensions-là. Ils considèrent que c'est pas tout à fait digne, que c'est pas tout à fait légitime, que peut-être on ferait mieux de s'occuper d'autres choses, en particulier par exemple d'effectuer du renseignement à l'étranger, sur les armées étrangères, qu'on devrait laisser ça peut-être aux civils. Mais dans le même temps, ils sont pris par cette idée de la nécessité de cette surveillance, par le danger que représenterait, en cas de guerre, une rupture du front intérieur, et donc sur la nature militaire de ce devoir de surveillance, de vigilance vis-à-vis de ces éléments qui, politiquement, finalement, sont dangereux pour le front intérieur. Et vous dites qu'en tant qu'historien, vous deviez traquer, comme le dit Marc Bloch, les confidences involontaires, parce qu'effectivement, quand on travaille sur le domaine du secret, on en parlera pendant toute cette semaine donc, avec Victor Massé de Lépiné, eh bien, en tant qu'historien, on sait qu'il y a des traces, et puis il y en a qui ne sont pas là, parce qu'on a détruit des documents, parce que les consignes étaient simplement orales, il faut se débrouiller avec ce que l'on a, et ces confidences involontaires sont tout de même assez présente pour que vous puissiez justement faire votre chemin d'historien au milieu de tout ça, Alexandrie Osborne. Alors il faut un peu enquêter à leur manière en fait, il ne faut pas leur faire confiance, il faut être vigilant. J'ai pu documenter, comme vous l'avez vu au début du livre, des destructions sauvages de documents considérés comme trop sensibles qu'on ne veut pas remettre aux archives nationales américaines. À partir de 1932-33, ils sont censés remettre aux archives nationales des documents qui deviendraient librement accessibles. Ils ont peur des répercussions politiques, du contenu de ces documents, donc ils les détruisent. Par contre, si on traque, comme je l'ai fait, des dizaines de milliers de pages d'échanges administratifs quotidiens, jour à jour, hein, ils s'appellent les Daily Files, hein, donc c'est les échanges, vous avez la copie de la lettre envoyée et puis la copie de la réponse, et bien on trouve parfois, au détour d'un paragraphe, des choses que par ailleurs on n'aurait pas consignées dans des dossiers en bonne et due forme. Oui, la crainte tout de même, comme le disait à l'instant même Victor Massé-Lépiné, des Américains, c'est de tomber soit dans la prussisation de leur régime, soit dans la bolchevisation de leur régime. C'est-à-dire en gros, ils ont une image d'une police, enfin du moins d'un renseignement militaire qui s'appliquerait aux civils, qui pourrait rendre le régime différent de ce qu'ils veulent qu'il soit au bout du compte. Mais au bout du compte, ils se laissent faire. C'est ce que vous expliquez bien, Alexandre Osborne. Alors, dans l'espace public, cette forme de surveillance, elle n'est absolument pas légitime. C'est d'ailleurs une différence très nette par rapport à la période qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que l'idée que des militaires puissent, au nom de la défense nationale, puis à partir des années 30, comme ils vont le dire eux-mêmes, de la sécurité nationale, surveiller les opinions politiques des concitoyens, c'est absolument pas légitime. Et dès lors qu'il y a une révélation, il n'y a même pas de controverse à proprement parler, il y a un scandale, les services sont obligés de reculer très vite, et puis d'affirmer qu'il s'agit en général des erreurs commises par un subalterne qui, porté par son zèle politique, était conduit à faire des choses inacceptables, et que bien sûr, et promettre bien sûr qu'ils ne le referont plus. Oui. Le département d'État n'ira avoir eu connaissance de vos agissements, voilà, comme on disait dans Mission Impossible. Tout à fait, donc c'est exactement la même chose, mais à l'intérieur. En revanche, à l'abri du secret, c'est-à-dire protégé par ce silence en quelque sorte et cette invisibilité qui entoure leur pratique de surveillance, eh bien, eux peuvent affirmer la légitimité de cette surveillance politique, à nouveau toujours au nom du principe de la guerre puis de la sécurité. Victor Massé-Lépiné. C'est cet arrangement que vous appelez l'arrangement d'insensibilité, c'est-à-dire que ces services sont des services de renseignement, ne sont pas d'abord, et ça vous tenez aussi à le préciser dès le début de l'ouvrage, des services d'action, ce sont d'abord des instruments de savoir et l'insensibilité, c'est-à-dire que la surveillance doit être discrète, invisible et ne pas déboucher sur des actions individuelles, ni des actions policières, ni des actions judiciaires ou juridiques. Et cet arrangement d'insensibilité, bon, ça c'est pour la fin de l'ouvrage. Quand on arrive à nos jours, c'est ça qui a été, par exemple, profondément remis en cause depuis 2001. Absolument. C'est ce que mon travail m'a amené à percevoir dans la situation actuelle. Donc le pas de côté historique, en quelque sorte, ou la prise de distance historique. la condition concrète de l'arrangement avec cette forme de surveillance dans un État qui se dit démocratique, c'est donc, à mon sens, cette forme de dispositif d'insensibilité, c'est-à-dire qu'elle est à la fois invisible, cette surveillance, elle est sous le voile du secret, et puis elle est passive, c'est-à-dire qu'elle ne conduit presque jamais à une action perceptible de l'extérieur. Et donc, c'est pas pour la défendre, je dis pas que c'est démocratique au sens normatif, mais je constate que dans la durée, ça s'installe de cette manière-là. Lorsqu'elle apparaît à la surface, elle est critiquée, et donc, elle doit, en l'occurrence, dans cette période-là, et jusqu'aux années 60, en fait, aux États-Unis, reculer très vite. C'est ce qui change sans doute dans la période contemporaine. Dans la période contemporaine, on voit une acceptation supérieure dans l'espace public et on voit la transformation, par le fait aussi de la transformation des types de menaces auxquelles on s'affronte, la transformation du dispositif de surveillance en un dispositif qui devient tendanciellement actif. Alors qui sont les surveillés, en l'occurrence, de cette société américaine pendant l'entre-deux-guerres, puisque c'est sur cette période que vous vous êtes attardé, Alexandre Riosbord, dans Les Savoirs de l'Ombre, aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales? Alors, si on suit leur logique, on peut dire qu'il y a trois échelles de surveillance et donc trois types de cibles. D'abord, il y a les cibles les plus immédiates, c'est-à-dire il y a les activistes, il y a les cadres de syndicaux, il y a les cadres politiques qui peuvent être fauteurs de ce qu'ils vont appeler à partir du tournant des années 30 la subversion, c'est-à-dire la déstabilisation locale ou à plus grande échelle de ce fameux front intérieur. À une deuxième échelle, ils sont préoccupés de ce qu'ils appellent, ce que des jolis documents appellent à la fin des années 30, les points d'attaque dans la population, c'est-à-dire des groupes de population qu'ils pensent être, pour des raisons politiques en fait, particulièrement sensibles à la possibilité de la subversion, à la pénétration subversive, et donc possiblement capables de basculer en masse contre l'ordre, contre l'État, contre l'armée et contre la nation américaine. Donc là, au titre de ces segments, de ces points d'attaque, il y a évidemment le monde ouvrier, qui est considéré comme la masse en fait principale dangereuse, puisque la forme de la subversion, c'est la subversion communiste, et les bolcheviks affirment dès 17, et puis ils affirmeront ensuite dans les années 20 et 30 aux États-Unis comme ailleurs que c'est leur principale cible. Il y a les populations étrangères, et puis ces populations étrangères de l'intérieur qui sont les populations noires aux États-Unis. Donc il y aura une inquiétude qui traverse les années 20 et les années 30 sur la pénétration subversive de ces points d'attaque que sont les populations noires à toutes les échelles. Et puis il y a une dernière échelle de surveillance qui est en fait toute la population. Ils produisent dans des documents extrêmement sérieux qui remontent tout en haut, qui remontent jusqu'au ministre et jusqu'au président, une conception de la menace qui est une conception finalement gramscienne. C'est-à-dire l'idée qu'il faut que la société tienne dans son ensemble, tenue par sa cuirasse. Il faut s'assurer que la cuirasse est suffisamment solide pour que l'ensemble de la population ne bascule pas. Donc ils sont gramsciens, simplement ils sont de l'autre côté du parapet. du spectre gramsciste. Voilà. Alors voilà pour les surveillés de l'autre côté. Qui sont les surveillants dans ces années d'entre-deux-guerres où ces services se mettent en place? L'armée va recruter des gens. Qui sont-ils? Est-ce qu'il y a des typologies qu'on peut établir? Ce que vous appelez le monde social de la surveillance. Oui, il y a un monde social de la surveillance qui se met en place et qui durera d'ailleurs jusqu'aux années 50, 60, 70, de manière assez stable finalement aux échelles locales. Écoutez, alors parmi les surveillants, il y a d'abord les militaires, c'est eux qui regardent. Il y a des responsables militaires jusqu'à l'échelle très locale parfois pour mettre en place. Ça descend très bas dans la société, c'est ce que vous expliquez. C'est-à-dire que ça descend à des échelons très petits, donc dans des comtés, dans des choses comme ça. On a des gens qui sont là pour surveiller le reste de la population. Ils sont déjà assez nombreux par échelle numérique. Ils sont déjà une vingtaine ou une trentaine dans un petit endroit et ils surveillent la population du coin. À condition que l'endroit soit jugé suffisamment sensible, alors on va les trouver dans les ports, on va les trouver dans les zones industrielles, dans les grandes villes. Et donc autour de la première masse qui est la structure proprement militaire, eh bien, on va agréger des individus qu'on engage sur contrat secret, avec des fonds secrets, parce qu'on n'est pas censé les embaucher évidemment, en général des anciens policiers, des anciens détectives, des gens qui ont des compétences à faire valoir et qui peuvent aussi amener avec eux leur réseau, qui peuvent amener leurs contacts, qui parfois ont déjà pénétré les organisations subversives ou les groupes subversifs. On leur garantit des couvertures, des légendes, pour reprendre le mot de la série en vogue ou... Non, on n'a pas besoin de leur garantir des légendes dans ce contexte-là. On peut les aider éventuellement à construire dans les cas les plus difficiles des formes de récits biographiques qui leur permettent de pénétrer ces lieux. Mais le renseignement extérieur est toujours beaucoup plus difficile que le renseignement intérieur. Le renseignement à l'extérieur, vous êtes confronté à des services étrangers qui sont professionnels. C'est la discipline reine dans l'espionnage, que ce soit l'espionnage à l'étranger ou le contre-espionnage à l'intérieur, parce que vous affrontez à des professionnels. Moi, les groupes qui sont pénétrés par mes individus, ils font pas mystère de leurs opinions. Il suffit, la plupart du temps, comme j'essaie de le montrer, d'aller se poster dans une réunion, d'écouter, de prendre des notes, de s'abonner à un journal. Tout ça est relativement simple. Alors, s'il y a des manœuvres un peu plus complexes, elles sont le fait de ces professionnels de l'enquête, mais elles sont finalement assez rares en volume. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites de la façon dont ils se convainquent les uns les autres que la mission qu'ils sont en train d'accomplir, de surveillance de leur propre population, est légitime. c'est gênant, disiez-vous tout à l'heure. On voit bien qu'ils sont un peu gênés aux entourneurs, mais ils trouvent des façons de légitimer ce sale boulot, comme ils le disent. En particulier, cette idée qu'ils sont des vrais patriotes, qu'ils vont défendre véritablement à la patrie pour justifier leur travail. Oui, ils produisent tout un discours autour de la mission fondamentale, la mission supérieure, supérieure aussi parce qu'elle est secrète, hein, donc il n'y aura pas de médaille, il n'y aura pas de récompense, donc là on a tout un discours qui est de longue durée, hein, dans l'espionnage et dans l'appareil secret de l'État, donc oui, ils produisent un discours qui fait la valeur de cette mission et la valeur de leur sacrifice, hein, finalement. Ce sont aussi des gens qui ne font pas des très bonnes carrières dans l'armée, donc c'est aussi une manière de se grandir en quelque sorte. A posteriori. Ils en veulent un peu aux policiers, vous dites qu'il y a des anciens policiers, mais ils ne se considèrent pas comme des policiers, ils sont vraiment des militaires, c'est comme ça en tout cas qu'ils s'envisagent. Oui, ce qui est très intéressant, c'est que la différence de dispositif, en fait, et notamment la passivité fondamentale de cette surveillance, fait qu'ils se distinguent très vite des policiers. Ils vont produire un discours, mais un discours fondé sur la pratique, sur leur expérience pratique, qui est un discours qui consiste à dire que les policiers ne savent pas faire du renseignement, en fait. Et donc, il faudrait même les désentraîner, dit un responsable du renseignement, pour produire des vrais spécialistes du renseignement, qui n'ont pas pour objectif de conduire à des arrestations, à faire des coups de filet, mais qui ont au contraire pour objectif de surveiller dans l'ombre et d'attendre le bon moment pour agir. Oui, mais il y a aussi, dans la hiérarchie militaire et dans la hiérarchie de l'État, tout un tas de personnes qui sont confrontées à ces problèmes de légitimité, à ces problèmes de droit, d'éthique, et qui sont contre, d'une certaine façon, le renseignement sur la population américaine, la société américaine. Et il y a ce livre très connu, quand on s'intéresse à l'histoire du renseignement, The American Black Chamber, de Herbert Yardley. Herbert Yardley qui était, d'une certaine façon, celui qui a mis en place la politique du chiffre pendant la Première Guerre mondiale, et qui est donc devenu un officier de renseignement, et qui déplorait dans son livre de ne pas vivre dans un pays comme l'URSS, qui a compris totalement le sens du renseignement, l'utilité du renseignement, mais le sens peut-être plus, non seulement l'utilité, mais le sens philosophique et le sens éthique que ça a, la légitimité, le bien fondé de cette politique. Oui, pour eux, ce qui est en jeu, c'est la survie de la nation, in fine. Je ne crois pas qu'on puisse réduire ce type de discours à des formes d'idéologie ou des formes de justification au sens commun. C'est-à-dire, je pense qu'ils sont vraiment pénétrés de cette idée qu'il y a un problème de défense, puis un problème de sécurité qui se joue effectivement sur le territoire, et que ne pas se préoccuper de ces menaces qui parcourent la population, ce serait suicidaire en quelque sorte. Ils ont une expérience qui se réfère à des expériences concrètes. Ils ont vu la révolution, ils n'arrêtent pas d'en parler, ils ont vu la révolution en Russie. Et donc, ils ont vu les tentatives révolutionnaires en Europe de l'Est. Ils ont eux-mêmes connu 1919, qui est une période de très intense agitation, au cours de laquelle, dans les services, mais ailleurs aussi, dans l'État américain, dans les polices locales, on pense que la révolution est en cours. Aux États-Unis même, on a vu l'impact, mais c'est le cas aussi en Europe pour des gens qui sont leurs confrères, en fait. On a vu l'impact de la guerre moderne sur les sociétés et le risque de déstabilisation profonde qu'elle entraîne. Et donc, ne pas se préoccuper par avance, ne pas anticiper ces risques, ce serait suicidaire. Qu'est-ce que le plan blanc, on va terminer sur cela avec vous, Alexandre Riosbord, dont vous parlez justement, c'est après 1919, après ces troubles internes aux États-Unis, ces révoltes et ces grèves très, très nombreuses d'après la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce que le plan blanc? Le plan blanc, c'est la déclinaison des plans de guerre qui existaient depuis le tournant du siècle aux États-Unis, qui portaient des noms de couleurs. Donc on avait des codes couleurs pour le plan de guerre contre la Grande-Bretagne, contre la France, contre l'Italie, le Canada même. Et on crée en 1919, sur la base de ces savoirs, sur la base de ces réflexions et de ces savoirs produits par les services de renseignement, une déclinaison intérieure. Le plan blanc, c'est la mobilisation de l'armée pour faire face à une tentative révolutionnaire, en gros, de déstabilisation massive. Et donc, ils vont mettre en place ce plan blanc. Et ce plan blanc, c'est l'horizon, en quelque sorte, proprement militaire de toute cette surveillance. Jamais actualisé, jamais réalisé, mais toujours présent, en quelque sorte, et qui sert de justification quand on en a besoin pour continuer la surveillance, puisqu'il faut sans cesse mettre à jour les informations qui permettraient de résister à une tentative révolutionnaire. On l'a compris, Alexandre Riosbord, votre livre est tout à fait passionnant. Il s'appelle « Les savoirs de l'ombre, la surveillance militaire des populations aux États-Unis entre 1900 et 1941 », publié aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Merci beaucoup. Merci. Je déclare formellement et je demande à quiconque peut prouver le contraire, de venir me trouver et me le dire, jamais il y a eu un réseau au sens d'un réseau organisé pour mener une action politique. Ce qu'on appelait réseau FOCA, en réalité, c'était les relations que j'avais avec tel fonctionnaire, tel homme d'État, tel ministre, tel ecclésiastique également. Voilà, Victor Massé de l'Épinay, la voix qu'on entend, c'est celle de Jacques Foccart. Jacques Foccart, qui était un homme du secret de la Ve République. Et c'est à lui que vous consacrez, avec Marie-Laure Ciboulet, le documentaire qui sera diffusé demain dans la Fabrique de l'Histoire. Oui, c'était un homme tellement secret, Foccart, qu'il en est devenu légendaire. Alors notre propos n'est pas de renforcer la légende Foccart, ni non plus de la mettre complètement à bas, mais de comprendre comment, quand on est historien ou journaliste d'investigation, on travaille sur quelqu'un qui, dont la légende dépasse sans doute la réalité, à quelles questions on se heurte, à quelle source, dans quelle source on va puiser, comment est-ce qu'on essaye de construire une vérité, c'est un peu la question qu'on a posée à nos intervenantes demain. Un extrait de votre documentaire qu'on écoutera demain dans la Fabrique. Il faut distinguer ce qu'il a été de l'image posthume qui est la sienne. J'ai les papiers sur les réseaux Foccart faits par les agents du ZEC et de la DGSE. C'est quand même pas rien. Hein. Il y a plein de gens, les trafiquants d'armes. C'est une véritable légende noire, puisque c'est l'homme des coups tordus, des barbouzes, de la France-Afrique. Évidemment, Foccart fait des notes, tout à fait officielles. Il est à l'Élysée, il a un bureau, il a tout. Bon, ok. Mais vous connaissez les gens des services secrets. Sur les choses les plus secrètes, il n'y a pas de papier. Ça n'existe pas, les papiers. C'est des choses qui sont uniquement d'abord que 2-3 personnes et creulent l'oreille, c'est tout. Donc ce qui est très très compliqué après pour écrire. Ce goût pour le secret, c'est pas simplement une question de posture par rapport à sa personnalité publique. Ce goût du secret est devenu un véritable élément constitutif de sa personne même. Et cela a joué un rôle considérable dans la naissance, le développement de cette légende négative, évidemment, autour de sa personne et de ses actions, et ce, indépendamment du type, de la nature même des actions qu'il a pu mener au service de la France. Foccart, à la fin de sa vie, s'essaye à une forme de communication mémoriale à travers le journal Jeune Afrique et son journaliste Philippe Gaillard. On voit donc émerger petit à petit un effort ou une volonté de communication très tardive, comme si la société de communication rattrapait un peu cet homme du secret. Et à l'inverse, il pouvait dire dans son livre d'entretien « Les archives parleront un jour » parce que lui avait déjà pris toute une série de garanties assez inattendues de sa part. Je pense qu'il serait vraiment présomptueux pour un historien de dire « je vais faire tomber le secret ». Parce que les réseaux et les systèmes sont extrêmement bien tissés. Et je pense que le rôle de l'historien, c'est d'entacher ce secret par recoupement, par touche, faire tomber un pan d'obscurité en mettant des petits faisceaux de lumière qui, petit à petit, aident les autres chercheurs à mettre totalement en lumière certains aspects. Mais je pense que, de toute façon, le secret fait et fera toujours partie du travail des historiens. Il faudra toujours s'en accommoder. Voilà pour cet extrait du documentaire qu'on écoutera demain dans la Fabrique de l'Histoire, donc que vous avez réalisé, Victor Massé de l'Épinay, avec Marie-Laure Ciboulet. On y entendra les témoignages de Pierre Péan, de Jean-Pierre Batte, de Frédéric Turpin et de Karine Ramondi, qui tous et toutes, en tant que journalistes d'investigation ou en tant qu'historiennes et historiens, se sont heurtés à ce massif, pourrait-on dire, qu'était Jacques Foccart dans la Ve République. C'est donc le programme de demain dans la Fabrique de l'Histoire. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Emmanuel Morse-Duncan nous a accompagnés à la technique aujourd'hui et Marie-Laure Ciboulet était à la réalisation. Vous avez donc compris, demain, Jacques Foccart, un documentaire donc de Victor Massé de l'Épinay et Marie-Laure, si vous voulez, dans la Fabrique de l'Histoire. Et pour conclure cette courte semaine, parce que vous le savez peut-être, jeudi, il n'y aura pas d'émission en raison de l'Ascension, il n'y aura pas d'émission de la Fabrique de l'Histoire, eh bien, mercredi, nous vous parlerons de diplomatie romaine et en particulier de diplomatie secrète au temps de la Rome républicaine et de la Rome impériale.